Le comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 115, la carte de Luigi Vampa. À tout sommeil qui n'est pas celui que redoutait Danglars, il y a un réveil. Danglars se réveilla. Pour un Parisien, habitué aux rideaux de soie, aux parois veloutées des murailles, aux parfums qui montent du bois blanchissant dans la cheminée et qui descend des voûtes de satin, le réveil dans une grotte de pierre crayeuse doit être comme un rêve de mauvais aloi. En touchant ses courtines de peau de bouc, Danglars devait croire qu'il rêvait Samoyède ou Lapon. Mais en pareille circonstance, une seconde suffit pour changer le doute le plus robuste en une certitude. « Oui, oui, murmura-t-il, je suis aux mains des bandits dont nous a parlé Albert de Morcerf. » Son premier mouvement fut de respirer afin de s'assurer qu'il n'était pas blessé. C'était un moyen qu'il avait trouvé dans Don Quichotte, le seul livre, non pas qu'il eût lu, mais dont il eût retenu quelque chose. « Non, dit-il. Ils ne m'ont tué ni blessé, mais ils m'ont volé peut-être. » Et il porta vivement ses mains à ses poches. Elles étaient intactes. Les 100 louis qu'il s'était réservés pour faire son voyage de Rome à Venise étaient bien dans la poche de son pantalon, et le portefeuille dans lequel se trouvait la lettre de crédit de 5 050 000 francs était bien dans la poche de sa redingote. « Singulier bandit, se dit-il, qui m'ont laissé ma bourse et mon portefeuille. Comme je le disais hier en me couchant, ils vont me mettre un rançon. Tiens, j'ai aussi ma montre. Voyons un peu quelle heure il est. » La montre de Danglars, chef-d'œuvre de Breguet, qu'il avait remontée avec soin la veille, avant de se mettre en route, sonna 5h30 du matin. Sans elle, Danglars fut resté complètement incertain sur l'heure, le jour ne pénétrant pas dans sa cellule. Fallait-il provoquer une explication des bandits? Fallait-il attendre patiemment qu'ils la demandassent? La dernière alternative était la plus prudente. Danglars attendit. Il attendit jusqu'à midi. Pendant tout ce temps, une sentinelle avait veillé à sa porte. À 8h du matin, la sentinelle avait été relevée. Il avait alors pris à Danglars l'envie de voir par qui il était gardé. Il avait remarqué que les rayons de lumière, non pas de jour, mais de lampe, filtraient à travers les ais de la porte mal jointe. Il s'approcha d'une de ces ouvertures au moment juste où le bandit buvait quelques gorgées d'eau-de-vie, lesquels, grâce à l'outre de peau qui les contenait, répandaient une odeur qui répugna fort à Danglars. « Pfouah ! » fit-il en reculant jusqu'au fond de sa cellule. À midi, l'homme à l'eau de vie fut remplacé par un autre factionnaire. Danglars eut la curiosité de voir son nouveau gardien. Il s'approcha de nouveau de la jointure. Celui-là était un athlétique bandit, un Goliath aux gros yeux, aux lèvres épaisses, au nez écrasé. Sa chevelure rousse pendait sur ses épaules et en mèches tordues comme des couleuvres. Dit Danglars, celui-ci ressemble plus à un ogre qu'à une créature humaine. En tout cas, je suis vieux et assez coriace. Gros blanc, pas bon à manger. Comme on le voit, Danglars avait encore l'esprit assez présent pour plaisanter. Au même instant, comme pour lui donner la preuve qu'il n'était pas un ogre, son gardien s'assit en face de la porte de sa cellule, tira de sa besace du pain noir, des oignons et du fromage, qu'il se mit incontinent à dévorer. « Le diable m'emporte, » dit Danglars en jetant à travers les fentes de sa porte un coup d'œil sur le dîner du bandit. « Le diable m'emporte si je comprends comment on peut manger de pareilles ordures. » Et il alla s'asseoir sur ses peaux de bouc, qui lui rappelaient l'odeur de l'eau de vie de la première sentinelle. Mais Danglars avait beau faire, et les secrets de la nature sont incompréhensibles, il y a bien de l'éloquence dans certaines invitations matérielles qu'adressent les plus grossières substances aux estomages. Danglars sentit soudain que le sien n'avait pas de fond en ce moment. Il vit l'homme moins laid, le pain moins noir, le fromage plus frais. Enfin, ces oignons crus, affreuse alimentation de sauvage, lui rappelèrent certaines sauces Robert et certains mirotons que son cuisinier exécutait d'une façon supérieure, lorsque Danglars lui disait « Monsieur Denisot, faites-moi pour aujourd'hui un bon petit plat canaille. » Il se leva et alla frapper à la porte. Le bandit leva la tête. Danglars vit qu'il était entendu et redoubla. Que causa ? Demanda le bandit. Dites donc, l'ami, fit Danglars en tambourinant avec ses doigts contre sa porte. Il me semble qu'il serait temps que l'on songeât à me nourrir aussi moi. Mais, soit qu'il ne comprit pas, soit qu'il n'eût pas d'ordre à l'endroit de la nourriture de Danglars, le géant se remit à son dîner. Danglars sentit sa fierté humiliée, et ne voulant pas davantage se commettre avec cette brute, il se recoucha sur ses peaux de bouc et ne souffla plus le mot. 4 heures s'écoulèrent. Le géant fut remplacé par un autre bandit. Danglars, qui éprouvait d'affreux tiraillements d'estomac, se leva doucement, appliqua de rechef son oreille aux fentes de la porte et reconnut la figure intelligente de son guide. C'était en effet Peppino, qui se préparait à monter la garde la plus douce possible, en s'asseyant face de la porte et en posant entre ses deux jambes une casserole de terre, laquelle contenait, chaud et parfumé, des pois chiches fricassés au lard. Près de ces pois chiches, Peppino posa encore un joli petit panier de raisins de Velletri et un fiasco de vin d'Erveto. Décidément, Peppino était un gourmet. En voyant ces préparatifs gastronomiques, l'eau vint à la bouche de Danglars. Dit le prisonnier, voyons un peu si celui-ci sera plus traitable que l'autre, et il frappa gentiment à sa porte. On y va, dit le bandit, qui, en fréquentant la maison de maître Bastrini, avait fini par apprendre le français jusque dans ses idiotismes. En effet, il vint ouvrir. Danglars le reconnut pour celui qui lui avait crié d'une si furieuse manière, « Rentrez la tête !» Mais ce n'était pas l'heure des récriminations. Il prit au contraire sa figure la plus agréable et avec un sourire gracieux. « Pardon, monsieur, dit-il, mais est-ce que l'on ne me donnera pas à dîner, à moi aussi ?»« Comment donc ? » s'écria Peppino. « Votre Excellence aura-t-elle faim, par hasard ?»« Par hasard, charmant, murmura Danglars. « Il y a juste 24 heures que je n'ai mangé. »« Mais oui, monsieur, ajouta-t-il en haussant la voix. « J'ai faim, et même assez faim. »« Et votre Excellence veut manger ?»« À l'instant même, si c'est possible. »« Rien de plus aisé, dit Peppino. » Ici, l'on se procure tout ce que l'on désire, en payant, bien entendu, comme cela se fait chez tous les honnêtes chrétiens. « Cela va sans dire, s'écria Danglars. Quoiqu'en vérité, les gens qui vous arrêtent et qui vous emprisonnent devraient au moins nourrir leurs prisonniers. »« Ah, excellence, reprit Peppino, ce n'est pas l'usage. »« Oh, c'est une assez mauvaise raison, reprit Danglars, qui comptait amadouer son gardien par son amabilité. Et cependant, je m'en contente. Voyons, qu'on me serve à manger ?» À l'instant même, Excellence, que désirez-vous ? Et Peppino posa son écuelle à terre, de telle façon que la fumée en monta directement en narines de Danglars. Commandez, dit-il. Vous avez donc des cuisines ici ? Demanda le banquier. Comment, si nous avons des cuisines ? Mais des cuisines parfaites. Et des cuisiniers ? Excellent. Eh bien, un poulet, un poisson, du gibier, n'importe quoi pourvu que je mange. Comme il plaira à votre Excellence. Nous disons un poulet, n'est-ce pas ? Oui, un poulet. Peppino, se redressant, cria de tous ses poumons. Un poulet pour son Excellence. La voix de Peppino vibra encore sous les voûtes que déjà paraissait un jeune homme, beau, svelte et à moitié nu comme les porteurs de boissons antiques. Il apportait le poulet sur un plat d'argent et le poulet tenait seul sur sa tête. On se croirait au café de Paris, murmura Danglars. « Voilà, Excellence, dit Peppino en prenant le poulet des mains du jeune bandit et en le posant sur une table vermoulue qui faisait avec un escabeau et le lit de peau de bouc la totalité de l'ameublement de la cellule. Danglars demanda un couteau et une fourchette. « Voilà, Excellence, dit Peppino en offrant un petit couteau à la pointe émoussée et une fourchette de buis. Danglars prit le couteau d'une main, la fourchette de l'autre et se mit en devoir de découper la volaille. Oh, « Pardon, Excellence, dit Peppino en posant une main sur l'épaule du banquier. » Ici, on paye avant de manger, on pourrait n'être pas content en s'en sortant. Ah, fit Danglars, ce n'est plus comme à Paris, sans compter qu'ils vont m'écorcher, probablement. Mais faisons les choses grandement. Voyons, j'ai toujours entendu parler du bon marché de la vie en Italie. Un poulet doit valoir 12 sous à Rome. Voilà, dit-il, et il jeta un louis à Peppino. Peppino ramassa le louis, Danglars approcha le couteau du poulet. Un moment, Excellence, dit Peppino en se relevant. « Un moment, votre Excellence me redoit encore quelque chose. »« Quand je disais qu'il m'écorcherait, » murmura Danglars, plus résolu de prendre son parti de cette exhortation. « Voyons, combien vous redoit-on pour cette volaille éthique » demanda-t-il. « Votre Excellence a donné un louis d'acompte. »« Un louis d'acompte sur un poulet ? Sans doute, dacompte. Bien. Allez, allez. Ce n'est plus que 4 999 louis que votre Excellence me redoit. Danglars ouvrit des yeux énormes à l'énoncé de cette gigantesque plaisanterie. Très drôle, murmura-t-il en vérité. Il voulut se remettre à découper le poulet. Mais Peppino lui arrêta la main droite avec la main gauche et tendit son autre main. « Allons, dit-il. « Quoi ? Vous ne riez point ? Dit Danglars. « Nous ne rions jamais, Excellence, reprit Peppino, sérieux comme un quaker. « Comment ? 100 000 francs ce poulet ? Excellence, c'est incroyable. Comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes. « Allons, allons, dit Danglars. Je trouve cela très bouffon, très divertissant en vérité, mais comme j'ai faim, laissez-moi manger. Tenez, voilà un autre louis pour vous, mon ami. Alors cela ne vous fera plus que 4 998 louis, dit Peppino, conservant le même sang-froid. Avec de la patience, nous y viendrons. Quant à cela, dit Danglars révolté de cette persévérance à l'oreiller, quant à cela, jamais. Allez au diable. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Peppino fit un signe. Le jeune garçon allongea les deux mains et enleva prestement le poulet. Danglars se jeta sur son lit de peau de bouc. Peppino referma la porte et se remit à manger ses pois au lard. Danglars ne pouvait voir ce que faisait Peppino, mais le claquement des dents du bandit ne devait laisser au prisonnier aucun doute sur l'exercice auquel il se livrait. Il était clair qu'il mangeait, même qu'il mangeait bruyamment et comme un homme mal élevé. Putor, dit Danglars. Peppino fit semblant de ne pas entendre et, sans même tourner la tête, continua de manger avec une sage lenteur. L'estomac de Danglars lui semblait à lui-même percé comme le tonneau des Danaïdes. Il ne pouvait croire qu'il parviendrait à le remplir jamais. Cependant, il prit patience une demi-heure encore. Mais il est juste de dire que cette demi-heure lui parut un siècle. Il se leva et alla de nouveau à la porte. « Voyons, monsieur, dit-il, ne me faites pas languir plus longtemps, et dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. »« Mais, Excellence, dites plutôt ce que vous voulez de nous. Donnez vos ordres et nous les exécuterons. » « Alors, ouvrez-moi d'abord !» Peppino ouvrit. « Je veux, dit Danglars, pardieu, je veux manger. Vous avez faim ? Vous le savez, du reste. Que désire manger votre Excellence ? Un morceau de pain sec, puisque les poulets sont hors de prix dans ces maudites caves. Du pain ? Soit, dit Peppino. « Voilà, du pain » cria-t-il. Le jeune garçon apporta un petit pain. « Voilà, dit Peppino. Combien ? Demanda Danglars. 4 998 louis. Il y a 2 louis payés d'avance. Comment ? Un pain 100 000 francs ? 100 000 francs, dit Peppino. Mais vous me demandiez que 100 000 francs pour un poulet ? Nous ne savons pas à la carte, mais à prix fixe. Qu'on mange peu, qu'on mange beaucoup, qu'on demande 10 plats ou un seul, c'est toujours le même chiffre. Encore cette plaisanterie. Mon cher ami, je vous déclare que c'est absurde, mais que c'est stupide. « Dites-moi tout de suite que vous voulez que je meure de faim. Ce sera plutôt fait. »« Mais non, Excellence. C'est vous qui voulez vous suicider. Payez et mangez. »« Avec quoi payer, triple animal ?» dit Danglars exaspéré. « Est-ce que tu crois qu'on a 100 000 francs dans sa poche ?»« Vous avez 50 000 francs dans la vôtre, Excellence, » dit Peppino. « Cela fait 50 poulets à 100 000 francs et un demi-poulet à 50 000. » Danglars frissonna. Le bandeau lui tomba des yeux. C'était bien toujours une plaisanterie, mais il la comprenait enfin. Il est même juste de dire qu'il ne la trouvait plus aussi plate que l'instant d'avant. « Voyons, dit-il, voyons. En donnant ces 100 000 francs, me tiendrez-vous quitte au moins et pourrais-je manger à mon aise ?»« Sans doute, dit Peppino. Mais comment les donner ?» dit Danglars en respirant plus librement. « Rien de plus facile. Vous avez un crédit ouvert chez Messieurs Thomson et French. » Via des Branchi, à Rome. Donnez-moi un bon de 4 998 louis sur ces messieurs. Notre banquier nous le prendra. Danglars voulut au moins se donner le mérite de la bonne volonté. Il prit la plume et le papier que le présentait Peppino, écrivit la cédule et signa. Tenez, dit-il, voilà votre bon porteur. Et vous, voilà votre poulet. Danglars découpa la volaille en soupirant. Elle lui paraissait bien maigre pour une si grosse somme. Quant à Peppino, il lut attentivement le papier, le mit dans sa poche et continua de manger ses pois chiches.